إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on va commencer maintenant le cours 21 dans l'explication du livre Fadl al-Islam avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on commence un nouveau chapitre maintenant. Babun ma ja'a fi ghurbati al-Islam wa fadl al-ghuraba. C'est-à-dire le chapitre de qu'est-ce qui a été mentionné ou rapporté au sujet du fait que l'Islam devient étrange et du mérite des étrangers. C'est-à-dire le fait que vers la fin des temps, l'islam redevient étrange et le mérite et l'excellence des étrangers. Le Cheikh, il mentionne, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la Sourate Hud, le verset 116. Il dit: فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. Si seulement il y avait eu parmi les peuples qui vous ont précédé, qui ont vécu, qui étaient là avant vous, parmi les générations qui étaient là avant vous, des gens, un petit groupe de gens qui interdisent la corruption et le désordre sur la terre. Et on va expliquer donc ce verset-là tout à l'heure. Le Cheikh Al-Fawzan il explique. Le titre est le verset. Il dit: فَبَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا فَأَوَّلَ مَا قَامَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بمكة لما بعثه الله قال له: قم فأنذر. قام وحده صلى الله عليه وسلم، ثم انضم إليه أبو بكر الصديق وبلال. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا الأمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: حر وعبد، وما معه إلا اثنان فقط. ثم تتابع المسلمون واحدا واحدا وهم على خوف وامتحان وابتلاء، فتكون معه صلى الله عليه وسلم جماعة في مكة، وهم يؤذون ويبتلون إلى أن أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة. وهذا معنى قوله بدأ الإسلام غريبا. Donc le Cheikh explique, il dit que quand on dit que l'islam est commencé étrange, de façon étrange, c'est-à-dire qu'au début, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu à Mecca et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé aux hommes, il lui a dit dans Surat Al-Muddathir, le verset 2, قُمْ فَأَنْذِرْ. Lève-toi et avertis. Alors il s'est levé lui seul, il s'est tenu et il a invité les gens. Et se sont joints à lui Abu Bakr As-Siddiq et Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Abi Rabah. Deux hommes, un homme libre et un esclave. Et c'est pour ça que lorsqu'on lui a demandé, à l'époque, quelqu'un était venu pour lui poser des questions sur l'islam. Il lui a dit: qui est-ce qui est avec toi dans cette affaire, dans cette religion? Qui est-ce qui est avec toi dans ce message que tu enseignes? Il a dit: hurrun wa abd. C'est-à-dire un homme libre et un esclave. Subhanallah. Donc, il n'y a personne qui l'a suivi, excepté deux. Seulement deux hommes, au tout début. Hein? Imaginez, subhanallah. Aujourd'hui, combien il y a de gens qui se disent musulmans dans le monde? Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Au tout début, il n'y avait que deux hommes qui le suivaient. Puis, après, les gens se sont suivis. Les musulmans se sont suivis, un après l'autre. Et ils avaient peur. Et ils étaient éprouvés et testés par les koufars et les mouchriquins. Puis, ils se sont fait un petit groupe à Mecca. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient un petit groupe autour de lui, mais ils avaient toutes sortes de difficultés. On leur donnait des problèmes, hein? On leur faisait des offenses, on leur faisait du tort. Ils étaient éprouvés jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la permission de faire la hijra vers la ville de Médine. Et c'est ça la signification du hadith Bada al-Islam ghariban. L'islam, elle est commencée étrange, de manière étrange. والغريب هو النادر وهو الإنسان الذي يكون في بلد غير بلده أو يكون مع الناس ليس من جنسه. Donc il dit que al-gharib en arabe, le mot gharib, ça veut dire qu'est-ce qui est nadir, ça veut dire qu'est-ce qui est peu, qu'est-ce qui est très rare. Quelque chose qui est très rare, qui n'arrive pas souvent, il n'y en a pas beaucoup. Donc, lorsque quelqu'un, il est dans un pays étranger, qui n'est pas son pays, et qu'il est avec les gens qui ne sont pas de la même origine que lui, on dit qu'il est gharib. On dit qu'il est gharib, ok? Donc, on peut dire de quelqu'un qui est un voyageur, ou de quelqu'un qui est dans un pays étranger, on dit qu'il est gharib, étranger. Gharib, ça veut dire étranger. Et le pluriel de étranger, c'est ghuraba. Gharib, le pluriel, c'est ghuraba. C'est pour ça que le prophète a dit Fatouba lil ghuraba. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, donnez la bonne nouvelle aux étrangers. Donc, le cheikh, il a dit quoi ensuite? Il a dit وقال كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فالغربة هي الشيء النادر وكذلك الغريب الشيء النادر القليل. Donc le cheikh il dit que الغربة c'est le fait que quelque chose soit étrange, le fait que quelque chose soit rare. Et de même on dit comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Omar, soit dans ce monde, soit dans cette vie d'ici-bas, comme un étranger ou comme un voyageur. Hein? Pour montrer que le voyageur, c'est un étranger aussi. Et donc, al-ghurba, c'est quelque chose de rare ou également quelque chose qui est peu nombreux. Quelque chose qui est rare ou qui en a peu d'exemples dans le monde. Donc, il dit que l'islam, il a commencé de façon étrange. فالإسلام بدأ أول الأمر غريبا يعني قليلا أهله ثم تكاثروا كما قال تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع فالزرع أول ما يظهر يكون ضعيفا قليلا ثم ينمو ويصبح له فراخ والحبة الواحدة يتكون منها عدة قصبات كقوله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أخرج شطأه يعني فراخه فآزره أي قواه فالزرع إذا فرخت تقوى يصبح للنبتة جذع وغصون فتقوى فمن قصبة واحدة أصبحت عدة قصبات متجاورة قويت أو قوية فاستغلظ أي كان ضعيفا فقوي فاستوى على سوقه أي ارتفع عليها. والسوق جمع ساق وهي القصبات. هذا مثل الصحابة رضي الله عنهم يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغيظ بالصحابة الكفار. وهنا أخذ بعض العلماء أن من يسب الصحابة يكفر لقوله ليغيظ بهم الكفار. Donc le cheikh explique, on va lire cette partie, il mentionne le verset 29 dans sourate Al-Fath, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba qui sont avec lui. Donc le cheikh il dit que l'islam il a débuté de manière étrange. C'est-à-dire qu'au début les musulmans étaient peu nombreux. Puis ils se sont multipliés, sont devenus de plus en plus nombreux. Et il donne l'exemple du verset 29 dans sourate Al-Fath, hein, il dit et leur exemple, c'est-à-dire l'exemple des sahaba, c'est comme l'exemple qui est mentionné dans l'Injil, dans l'Évangile. On donne leur exemple dans l'Évangile en parlant d'une semence qu'on a mis dans la terre et qui commence à pousser, qui sort sur sa tige, et ensuite qui jette d'autres semences autour, et donc qui ces autres semences la renforcissent et elle devient plus épaisse, puis elle se dresse sur sa tige et elle éblouit les cultivateurs. Donc la semence au tout début, quand on la met dans la terre, elle est faible, elle n'est pas forte et elle n'est pas nombreuse, elle est toute seule. Puis il y en a d'autres qui poussent autour et là d'autres poussent à côté, ok. Et de cette petite graine qu'on a mis au début, on voit qu'il y a plusieurs tiges qui commencent à sortir. Comme dans le verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le verset, dans Surat Al-Baqarah, le verset 261, comme un épi, et de chaque, comme une graine qui fait pousser une épi. Et dans chaque épi, il y a 100 graines. Donc ça, c'est pour dire que, à partir de cette graine, il y a une épi qui est sortie, et de cette épi, 100 graines. Donc c'est pour montrer comment ça se développe. Et donc, elle sort sur sa tige, cette pousse, hein, au début, et il y a d'autres pousses qui sortent à côté, qui la renforcissent, et donc elle devient plus forte. Hein? Elle commence à avoir une tige, elle commence à avoir des feuilles, elle commence à se développer. Et donc, il commence à y avoir plusieurs tiges qui poussent en même temps par la suite. Puis elle devient plus épaisse, au début elle était faible. Elle devient plus forte et elle s'élève de plus en plus sur sa tige. Fastawa ala souqi. Et donc, il dit le cheikh, ça c'est l'exemple des sahaba. Et ça a ébloui les cultivateurs, hein, et ça met la rage dans le cœur des koufars. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, par cela, met la rage chez les koufars. Mais la rage, c'est les mécréants. Et donc, les ulama ont tiré de ce verset-là que ceux qui insultent les sahaba sont des koufars. Parce que ceux qui ont la rage contre les sahaba dans ce verset-là sont les koufars. Donc si quelqu'un a de la rage contre les sahaba, ça veut dire qu'ils ne sont pas des croyants. Il dit le cheikh, فَقَالُوا هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَبْغَضَ الصَّحَابَ وَسَبَّهُمْ وَتَنَقَّسَهُمْ أَنَّهُ كَافِرٌ. Celui qui insulte les sahaba, qui les diminue, qui les dénigre, alors c'est un kafir. نعم بدأ الإسلام غريبا فأول ما نشأ الإسلام كان غريبا وفي آخر الزمان يعود غريبا يكون المتمسكون به غرباء مثل ما كانوا في مكة في أول البعثة. Le Cheikh il dit que oui, au début l'islam elle était étrange, il n'y avait pas beaucoup de musulmans, le nombre des croyants était peu, et ça c'était au tout début de l'islam, c'était nouveau, c'était quelque chose de nouveau, donc les gens étaient regardés comme des étrangers. Et ça va redevenir comme ça vers la fin des temps. Les gens qui s'accrochent fermement à l'islam vont être vus comme des étrangers. des gens bizarres, des gens étranges. Comme c'était le cas au tout début de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Ensuite, il dit: قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون الآية فلولا معناه هل وعليكم السلام ورحمة الله هي هل أو هل كان من القرون يعني من الأمم قبلكم لما ذكر سبحانه هلاك الأمم في سورة هود قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض فما هلكت هذه الأمم إلا لأنها لم يكن فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا قليلا ممن أنجينا منهم. دل هذا على أن هذا دل هذا على أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينجو إذا جاء العذاب، أما الذي لا يأمر ولا ينهى فإنه يهلك ولو كان من الصالحين، لكن يبعثه الله يوم القيامة على نيته كما جاء في الحديث. فإذا وقع العذاب لا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقوله قليلا هؤلاء هم الغرباء، وهذا وجه سياق المصنف للآية في غربة الإسلام. Donc le cheikh explique ici, il dit donc que dans le verset que le cheikh il a mentionné au début du chapitre, il mentionne le verset 74. Pardon, le verset 116 dans Surat Hud, il dit: si seulement il y avait eu un petit groupe parmi les générations avant vous qui interdisait aux gens de faire le désordre sur la terre. Donc il dit, c'est comme si dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique que ces peuples ont péri uniquement parce qu'ils n'ordonnaient pas le bien et ils n'interdisaient pas le mal. Ils n'interdisaient pas le désordre sur la terre. Illa qalilan mimman anjayna minhum, excepté un petit nombre d'entre eux qu'on a sauvés. Donc, ça c'est la preuve que celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, il va être sauvé du châtiment. Mais celui qui n'ordonne pas et qui n'interdit pas, alors il va périr avec les autres, même s'il était bon en lui-même. Même s'il était bon en lui-même. Donc ça réfute les gens aujourd'hui à notre époque qui ont cette mentalité-là. Ils disent: ah, laisse les gens faire qu'est-ce qu'ils font, c'est pas ton problème. Toi t'es un bon musulman, tu fais ta prière à la mosquée, tu déranges personne, ça c'est correct. Tu fais partie des bons musulmans, ça c'est bon. Hein? Le cheikh il explique ici que non, même ceux-là ils vont périr avec les autres. Parce qu'ils étaient avec eux, mais ils n'ont pas ordonné le bien et n'ont pas interdit le mal. Ils n'étaient pas en train de faire les péchés, mais ils ordonnaient pas le bien et ils interdisaient pas le mal. Donc ils ont péri avec les autres. Ceux qui ont été sauvés, c'est qui? C'est ceux qui étaient là-bas, qui étaient bons, mais en même temps ils étaient bons en eux-mêmes, mais ils faisaient en sorte que les autres aussi reviennent. Ils les appelaient au bien et ils leur interdisaient le mal aussi. C'est-à-dire les autres qui ne faisaient pas le bien, ou qui faisaient des péchés, ou qui désobéissaient à Allah. Tu vois? Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son châtiment, tout le monde a péri. Même ceux qui étaient pieux. Sauf ceux qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal. Et le cheikh il dit: mais ceux qui étaient pieux, au jour de la résurrection, ils vont être ressuscités avec leur intention, tels qu'ils étaient selon leurs intentions. Même s'ils étaient punis avec les autres, mais ils ne vont pas être avec les autres dans le sens qu'ils étaient dans le même état que eux. Non. Donc le cheikh il dit que lorsque le châtiment est tombé, c'est ceux qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal qui ont été sauvés seulement. Et on voit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: illa qalilan mimman anjayna minhum. Et qalilan, ça veut dire un peu. Donc ça veut dire le nombre des gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal sont très peu nombreux. C'est pas une grande quantité. Et c'est ça qui indique aussi pourquoi le cheikh a mentionné ce verset-là comme référence par rapport à, au fait que l'islam devient étrange. Parce qu'il y a la mention du petit nombre dedans. Et Al-Ghurba, c'est un lien aussi avec le fait d'être peu nombreux. Hein? Si tu vas par exemple dans un pays étranger et qu'il n'y a personne, il n'y a personne de ton pays là-bas, tu te sens vraiment étrange. Hein? C'est ça la signification d'être étranger. Mais sinon, si tu es avec plein de monde de la même origine que toi, tous sont pareils, tu te sens pas étranger parmi eux, tu te sens pareil. Hein? Donc c'est ça, Al-Ghurba, c'est d'être peu nombreux aussi. Ensuite, le cheikh, il va énumérer une série de hadiths à ce sujet-là. Il dit, وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قيل من الغرباء قال النزاع من القبائل وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس ورواه أحمد من طريق سعد بن أبي وقاص وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. Donc ici les hadiths qu'il mentionne, ça explique la signification des غرباء et de qui ils sont. Il dit, selon Abi Huraira radiallahu anhu, qu'il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est un hadith rapporté par Muslim, que l'islam a commencé de manière étrange et qu'il va redevenir étrange comme il a commencé. Alors donnez la bonne nouvelle aux ghuraba, c'est-à-dire aux étrangers. Et il a rapporté également, Ahmed l'a également rapporté selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dans lequel on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien si c'est la parole de Ibn Mas'ud, en tout cas on a demandé qui sont les ghuraba, et il a dit an-nuzza'u min al-qaba'il, c'est-à-dire les gens qui quittent leur pays et qui vont vers un autre endroit pour vivre, pour sauver leur religion, comme le cheikh il va l'expliquer par la suite dans le charh. Après, le cheikh il dit wa fi riwaya الذين يصلحون إذا فسد الناس. Dans une autre narration qui est rapportée par, qui est rapportée selon Abdullah ibn Ahmed dans Az-Zawaid, il dit, ce sont ceux qui sont restés bons alors que les gens sont corrompus. Ce sont les ghuraba, ce sont ceux qui sont restés bons en eux-mêmes alors que les autres sont corrompus. Et il y a une autre narration également que Ahmed a mentionné, selon Sa'd ibn Abi Waqqas, dans laquelle il dit que donnez la bonne nouvelle ce jour-là aux étrangers lorsque les gens seront corrompus, lorsque les gens seront devenus corrompus. Et il y a une autre narration rapportée par l'imam al-Tirmizi, selon Kathir ibn Abdullah, selon son père, selon son grand-père, qui a dit, donnez la bonne nouvelle aux étrangers, ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu de ma sunna. Donc il y a les deux significations, la signification de ceux qui sont restés bons en eux-mêmes, et la signification de ceux qui, non seulement ils sont bons en eux-mêmes, mais ils ont réformé les choses qui ont été corrompues par les hommes. Après, le cheikh il explique ça. إذ هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم معناه التحذير من الضلال والحث على التمسك بالإسلام ولو كان أهله قليلين. C'est-à-dire, il y a dans ça une parole. Donc ça, c'est les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم, dont la signification est de mettre en garde contre l'égarement et d'inciter les gens à s'accrocher à l'islam, même si les gens qui s'accrochent à l'islam sont peu nombreux. Et à notre époque, ça c'est une fitna pour les gens. Parce que on voit que les gens qui s'accrochent fermement à l'islam aujourd'hui sont une minorité de gens parmi les musulmans, même dans les pays musulmans parfois. Et dans les pays non musulmans, c'est encore pire. Donc, quand quelqu'un va voir des gens qui s'accrochent à l'islam et qui s'accrochent à la sunna et qui ne vont pas faire des compromis dans leur pratique de la religion musulmane, les gens vont les regarder, vont dire « Mais ça, c'est des extrémistes. Ça, c'est des ces gens-là, ils exagèrent. Pourquoi ils rasent pas sa barbe? Pourquoi ils mettent son kamis? Pourquoi ils font ci? Pourquoi ils font ça? Yarhamukallah. » Donc ça, c'est pour faire comprendre aux gens que ça, c'est des signes de la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam va redevenir étrange comme ça. Quand les gens vont voir les gens qui pratiquent la religion, ils vont les regarder comme si c'est des étrangers. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Donc ça, c'est important d'être averti et de s'accrocher plus fort encore à notre islam. Et le cheikh, il dit donc, وقوله فطوبى للغرباء هذا ترغيب في أن يكون المسلم مع الغرباء في آخر الزمان ولو ولا يزهده في الإسلام قلة أهله. Donc il dit le cheikh que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فطوبى للغرباء, il y a dans ça une invitation ou une incitation à ce que le musulman soit du nombre des étrangers. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, soyez parmi les étrangers vous aussi. Même si vous voyez que les étrangers, les gens qui s'accrochent à l'islam à la fin des temps, ils vont être peu nombreux, faites pas que leur petit nombre vous écarte ou vous éloigne du fait de vouloir être parmi eux. Parce que vous allez voir que leur nombre est petit, les gens les méprisent, ou les gens les regardent mal, les gens parlent d'eux en mal, et ça, ça peut vous faire écarter, ça peut vous faire éloigner, vous allez dire, moi je veux pas faire partie de ces gens-là, parce que sinon, les gens vont dire du mal de moi, ils vont s'éloigner de moi, ils vont parler mal de moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sois parmi eux quand même, et écoute pas ce que les gens te disent. Enfin, touba lil ghuraba. Et le cheikh il dit, wa touba, قيل هي شجرة في الجنة وقيل هي الجنة نفسها وعليكم السلام ورحمة الله يقال لها طوبى وقيل هي كلمة طيبة ومنه قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب. Le cheikh il dit que le mot طوبى, les savants l'ont expliqué de différentes manières. Certains ont dit que c'est un arbre dans le paradis, d'autres ont dit que c'est le paradis lui-même. D'autres ont dit que c'est une bonne parole. Et de là vient le sens du mot dans le verset 29 dans Sourate Ar-Ra'd. Touba liman touba lahum wa husna ma'ab. Une bonne parole pour eux et une bonne un bon gîte ou un bon repos à l'endroit où ils vont entrer, c'est-à-dire le paradis. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قيل من الغرباء قال النزاع من القبائل النزاع جمع نزيع ونازع وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته أي الذين يخرجون عن الأوطان لإقامة سنن الدين والقليل من الناس من يهجر وطنه وعشيرته من أجل إعلاء كلمة الحق ومن أجل نشر دين الله الحق وهو الإسلام في أرجاء المعمورة. Donc le cheikh ici, il explique que le hadith de l'imam Ahmad selon Ibn Mas'ud, lorsqu'on lui demande ou lorsqu'on demande qui sont les ghuraba, il dit an-nuzza' min al-qaba'il, il dit an-nuzza', c'est le pluriel de nazir. Et c'est l'étranger qui a quitté sa famille et sa tribu. Et ce sont tous ceux qui s'éloignent de leur pays ou de leur contrée pour établir leur religion. Et il y a très peu de gens qui quittent leur pays ou leur contrée ou leur religion dans le but d'aller pratiquer ou établir leur religion pour élever la parole de vérité et pour propager la religion d'Allah, c'est-à-dire l'islam à travers le monde. Donc ça c'est une des catégories qui rentre dans la signification de Al-Ghuraba. وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس يعني جاء في وصفهم ثلاثة أوصاف النزاع من القبائل يعني الأفراد الذين يهجرون أوطانهم في سبيل إقامة سنن الدين وهذا دليل على أن الإسلام في آخر الزمان سيصير غريبا الوصف الثاني الذين يصلحون إذا فسد الناس يصلحون أي يصبرون على الدين ولا ينظرون لفساد الناس ولا يقولون نحن مثل الناس لا نصبح بين الناس منفردين نتابع الناس نتابع المجتمع نتابع البلد لا هؤلاء يصبرون ولو كانوا قليلين ولو خالفهم الناس يصلحون إذا فسد الناس ولا يفسدون مع الناس ولكن كونهم يصلحون بين الناس هذا يحتاج إلى صبر والثبات والثقة ومعرفة الوصف الثالث يصلحون ما أفسد الناس يعني يكونون صالحين في أنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخير ويصلحون ما باستطاعتهم ولا يسكتون. Donc le cheikh explique ici que dans une autre narration qu'on a lu tout à l'heure, il est dit et ils sont bons alors que les gens sont devenus corrompus. C'est-à-dire que dans la description des ghuraba, des étrangers, on a trois descriptions ou trois caractéristiques. La première, c'est an-nuzza'u min al-qaba'il. On a expliqué tout à l'heure que ce sont des individus qui quittent leur contrée, qui quittent leur pays dans le but d'établir la religion d'Allah. Et ça, c'est la preuve que vers la fin des temps, l'islam devient étrange. La deuxième catégorie, la deuxième description, c'est ceux qui sont restés bons en eux-mêmes alors que les autres dans la société deviennent corrompus. Donc, c'est-à-dire, ils sont endurants sur leur religion, ils sont patients, et ils ne regardent pas la corruption de la société autour d'eux. Ils disent pas, on est comme les autres, on est comme les gens, on va pas être à l'écart des autres, on va suivre les gens, on va suivre la société, on va suivre le pays, tout ce qui se passe, on va faire comme les gens. On va faire comme tout le monde. Non, eux, ils ne disent pas ça. Les ghuraba, ils sont endurants. Même s'ils sont peu nombreux, même si tout le monde les contredit, fait le contraire d'eux, eux, ils restent bons en eux-mêmes. Ils sont restés bons alors que la société est devenue corrompue. Hein? Et il dit, mais pour que quelqu'un reste bon parmi une société qui devient corrompue, ça exige des choses. Ça exige quoi? Ça exige d'avoir de la patience, de l'endurance, de la fermeté, de la confiance et de la connaissance également. Donc on va s'arrêter pour le adhan et puis on va continuer, inshallah. Après tout de suite la salat? Ou bien? Ok, d'accord. Donc on va s'arrêter ici puis on continuera le cours la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.